passé l'Halloween avec ma cousine Aline. On s'est déguisé en sous-marin canadien. Si on veut susciter la générosité, il faudrait bien qu'on s'arrange pour faire pitié. Yeah! Question sécurité. Nos flashlights éclairent mieux que les lumières de rue. On a des phares giratoires sur le coco et des lumières rouges qui flashent vissées dans le cul. Toute éventualité. Si jamais on rencontre un pédophile, on prend son nom, son adresse et sa photo. S'il devient riche plus tard, on le poursuit. Si jamais on nous demande de chanter, on plug nos guitares et nos amplis et on part. Ah, c'est beau, tenez. Soirée, nos citrouilles sont toutes pleines. Une madame nous dit, vous mangerez pas tout ça. Elle nous donne des abonnements à Mince à Vie et à Nautilus. Citrouilles. Mais cette année, il y a beaucoup de pommes avec des petites coupures sur le côté. Ça coûtera pas cher pour se raser cette année.